Retour. Nous traversons la ville endormie au son léger des dynamos. Les mollets fermes de lilas nous entraînent dans les rues sur un rythme plutôt soutenu. Je laisse vagabonder mon esprit et nous sortons bientôt de la ville qui garde jalousement ses lumières. La nuit nous enveloppe peu à peu, faiblement rehaussée de pâleurs lunaires. Lila ne peut compter que sur sa lampe de proue. Habituée à voyager entre deux eaux, elle a muni son vélo d'un gros phare, alimenté par la dynamo, alimenté elle-même par les mollets, alimenté à leur tour par l'oxygène qu'elle engouffre à chaque coup de pédale. J'entends d'ici sa respiration régulière. Vous est-il déjà arrivé de soupeser un fauteuil roulant? Avez-vous déjà porté un miloche dans les bras? Superposez l'un à l'autre, accrochez cela à une bicyclette, je vous mets au défi de faire 1 kilomètre. Et pourtant, cette fille-là mène un train à couper le souffle. Sans aucun doute la réincarnation d'une ancienne championne cycliste, en tout cas, une force de la nature. Je ne traîne, moi, qu'un sentiment de culpabilité, moins douloureux pour les jambes. Je me fais l'effet d'un roi dans sa chaise à porteurs, considérant d'un œil méprisant la populace, tandis que le petit personnel œuvre à sa locomotion. Comme j'aime voir le bon côté des choses, je me débarrasse de ma culpabilité dans un fossé herbeux du bas-côté et je joue en solo, prenant des poses royales. Je me cale bien dans mon fauteuil, tête haute, chorégraphiant quelques généreux saluts à l'attention de la foule. Magnanime, je couve d'un regard paternel et condescendant la masse populaire, pas très instruite, un peu fruste, mais tellement à l'écoute de son roi chéri. Petit hochement de menton à l'attention de quelques jouvencelles à haut chapeau qui, flattées du signe royal inespéré, baissent les yeux en rougissant. Main droite sur main gauche, je transforme l'anse de mon panier en un pommeau de bois précieux ouvragé, terminant en bâton luxueux. Et je lève le nez, prenant un air d'importance. Je devine quelques sangliers, accompagnés de 2 ou 3 lapins au garde-à-vous, derrière les fourrés, humbles et reconnaissants. Les minutes s'égrènent, je pense au temps qui passe, au roi mort, aux reines de poussière, aux manants disparus et à nous autres, de passage, à la vie. Ils ont joué aux vivants, je joue et ils joueront. Toujours royal, je constate que nous avons attaqué la côte dite des Deux Meuniers, un long faux plat de plusieurs kilomètres. L'attelage a quelque peu ralenti, cependant que le halètement de Lila se fait de plus en plus fort. Mon sentiment de culpabilité, se relevant étourdi du fossé, a profité de cette légère baisse de régime pour me rattraper, décidé à ne plus me quitter. Plein d'empathie, je commence alors à souffrir à la place de ma guide. Lila doit ralentir encore, ou se ménager une pause, respirer calmement pour reposer son cœur, mais non. Elle semble têtue, la bougresse, car la voilà debout sur les pédales, bien décidée, dirait-on, à ne pas s'arrêter en pleine côte. Elle s'est lancée un défi, c'est certain, celui de ne pas poser pied à terre avant d'être arrivée là-haut. Mais la ligne droite n'en finit jamais. J'en sais quelque chose, et je confesse ici que je la redoute quand je rentre de chez Aimé. Une de ces portions de route vides de courbes, dont la rectitude sans fin provoque un sourd ennui chez le cycliste dénué d'imagination, et qui, pour corser le tableau, s'amuse à adopter une pente ascendante pernicieuse, montant lentement mais durement, histoire de vous saccager les mollets à petits coups, l'air de ne pas y toucher. Quand un léger vent, tout aussi sournois, vient apporter son grain de sel comme ce soir, il vaut mieux diriger son esprit vers son monde intérieur pour basculer en mode automatique. Il est des pentes que l'on ne voudrait prendre que dans un seul sens, mais la vie n'est pas faite que d'aller. Le rythme imprimé par Lila décroît encore sensiblement, donnant à la fin de la côte des petits airs de torsionnaire. D'autant plus que la déclivité s'accentue encore de quelques degrés dans les 500 derniers mètres, comme pour vous achever. Je crie à Lila « Prenez une pause, Lila! Nous continuerons plus tard !» Mais le vent s'est intensifié et emporte mes paroles vers la ville qui s'en moque. Notre attelage se trouve presque au point mort désormais, aussi je décide d'aider Lila en poussant de toutes mes forces sur les roues de mon fauteuil. Dès les premières poussées, la corde se détend quelque peu, incitant ma conductrice à tourner la tête vers l'arrière. Son souffle ahanant se transforme en un rire de gorge dans lequel je reconnais un « Merci Miloche !» qui me gonfle les biceps. J'actionne les roues avec davantage de vigueur. Main dans la main, si je puis dire, nous arrivons enfin au bout de la côte. Notre Tourmalet est rien qu'à nous. Lila lève un bras, corps vrillé, championne. Mais ne s'arrête toujours pas. Elle semble être dotée d'un petit moteur à mouvement perpétuel dans la tête. Les jambes suivent. Nous voici donc, cheminant sur les modestes hauteurs locales, étrange attelage roulant à deux yeux lumineux. Si la nuit n'était pas si épaisse, je décrirais avec force détail le vaste paysage que l'on peut embrasser du regard du haut de ce point de vue imprenable. À ce stade, je calcule que nous avons effectué environ la moitié du chemin, la suite du trajet jusqu'à chez moi n'étant constituée que de portions de route plates. Mais Lila est à bout. Je le sens bien. La montée lui a coupé les jambes. Je vois son dos effectuer des mouvements de droite et de gauche, aidant le corps à peser de tout son poids sur des membres à l'agonie. Un zatopek du vélo, ma remorqueuse. Tout en elle se plie pour arriver au bout, mais ne rompt pas. L'effort est d'autant plus héroïque que sur le plateau où nous progressons désormais, le vent s'est encore intensifié. Il est des bourrasques qui nous obligent, elle et moi, à nous tasser sur nous-mêmes afin d'offrir moins de prise, nous évitant de basculer dans le bas-côté ou de faire du surplace. C'est presque à l'arrêt que nous approchons enfin de chez moi. Je hurle à Lila les dernières recommandations d'ordre géographique et nous atteignons le portillon de mon jardin. Je détache le nœud de marin qui n'a pas bronché, je vois d'ici le sourcil fier d'aimer, avant de rejoindre Lila. Méconnaissable, elle descend de vélo avec peine pour se retrouver sur des jambes vacillantes. Des yeux égarés, un visage pâle, une bouche à peine ouverte me susurre. « Tu aurais un verre d'eau, s'il te plaît ?»« Bien sûr, Lila, bien sûr. Vous avez été formidable. »« Merci. T'es un peu lourd, mine de rien. T'es un faux maigre, non ?» J'ouvre le portillon, la porte d'entrée, puis je rentre le premier, ne pouvant même pas sacrifier à la galanterie, encombrée par ma chaise roulante. J'invite Lila à s'asseoir. Quand je reviens, un verre d'eau à la main, je la trouve affalée dans le fauteuil qui semble vouloir l'engloutir. Livide et consciencieuse, elle boit d'un trait le verre. Sans un mot, elle fait subir le même sort à un second et je retourne à la cuisine. Par empressement ou maladresse émotive, je laisse tomber le verre qui explose sur le carrelage. Craignant pour mes pneus, je ramasse gros et petits morceaux en un tas. La tâche est longue, fastidieuse. Quand je reviens auprès de Lila, un nouveau verre à la main, elle a profité de ce moment de solitude pour sombrer dans un coma profond. Je m'approche d'elle pour vérifier qu'elle ne vient pas de succomber à une crise cardiaque. Son souffle est long et régulier. Lila dort. Je lui saisirai bien le poignet pour contrôler si son cœur bat réellement. Poserai avec joie mon oreille sur sa poitrine. Passerai mes doigts sur ses lèvres histoire de m'assurer que la respiration se fait. Du bout de mon index tendu, j'effleure son épaule. Elle est bien réelle, oui. La langueur électrique diffuse dans mon doigt, mon poignet, mon bras, mon corps tout entier et me confirme la présence de Lila dans mon fauteuil, là, à côté de moi, dans ma maison. Je ne sais pas quoi faire. Je pourrais continuer à la regarder quelques petites heures, nos deux têtes penchées. Mais je redoute qu'elle soulève ses paupières, me découvrant alors en face d'elle, miroir débutant, la mine coupable et la nuque bloquée dans une position inconfortable. Je pourrais également aller retrouver mon lit douillet. Pourtant, il me faut attendre son réveil. Je ne voudrais pas qu'elle ouvre les yeux dans quelques minutes pour se retrouver seule dans une maison inconnue. Je lui paraîtrais avec raison bien incorrect, d'une ingratitude crasse. En désespoir de cause, je me prépare une infusion. Après quoi j'ouvre mon roman. Je crois que je lis un peu. Lorsque je me réveille, ma tasse est toujours pleine, complètement froide, mon livre s'est fermé dans sa chute, attendant en désordre à mes pieds que je le ramasse. Lila est profondément endormie dans le fauteuil, recroquevillée sur elle-même. C'est vrai que la fraîcheur est tombée, il doit être bien tard dans la nuit. Je couvre le corps de la championne cycliste au repos d'un duvet bien épais, puis je l'observe un moment. Pas le duvet, je précise. Elle a bougé dans son sommeil. Un sourire imperceptible s'est formé sur ses lèvres. Je ne suis pas sûr. mais je crois qu'elle a ouvert les yeux l'espace d'un très court instant. Ou peut-être ai-je voulu les voir, ce sourire et ce bref regard. Il faut se méfier des projections mentales. À regret, je force sur mes nerfs oculaires pour me détacher d'elle, griffonne un mot à son attention. Chère Lila, je vous laisse dormir, je vais moi aussi me coucher. J'espère que vous allez bien vous reposer de notre longue balade. Vous avez été formidable, une vraie championne. Je vous souhaite une jolie nuit. À demain, Miloche. Puis je relis encore pour voir si je ne suis pas trop brusque dans mes mots, si les phrases sont compréhensibles, si mon écriture est lisible, si le papier est propre, si j'écris assez gros, si... J'arrête mes si, quand deux paupières dégringolent sur mes pupilles. Mon lit, qui n'attendait que moi, soupire d'aise à mon contact, m'enveloppant de ses draps pleins de brume.